Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez le Dieu fort à cause de sa sainteté, louez la cause de cette étendue qu'il a faite par sa force. Louez-le de ses grands exploits, louez-le selon la grandeur de sa majesté. Louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec la musette et l'harpe. Louez-le avec le tambour et la flûte, louez-le avec le luth et avec l'orgue. Louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec les cymbales de cris de réjouissance. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel.